Chapitre 8e. La maison du gazetier. C'était le lendemain du jour où les Portugais avaient fait affaire avec Bummer, et 3 jours après le bal de l'opéra, auquel nous avons vu assister quelques-uns des principaux personnages de cette histoire. Dans la rue Montorgueil, au fond d'une cour fermée par une grille, s'élevait une petite maison longue et mince, défendue du bruit de la rue par des contrevents qui rappelaient la vie de province. Au fond de cette cour, le rez-de-chaussée qu'il fallait aller chercher en sondant les différents guets de 2 ou 3 trous punais, offrait une espèce de boutique à demi ouverte à ceux qui avaient franchi l'obstacle de la grille et l'espace de la cour. C'était la maison d'un journaliste assez renommé, d'un gazetier, comme on disait alors. Le rédacteur habitait le premier étage. Le rez-de-chaussée servait à empiler les livraisons de la gazette, étiquetées par numéro. Les 2 autres étages appartenaient à des gens tranquilles, qui payaient bon marché le désagrément d'assister plusieurs fois l'an à des scènes bruyantes faites aux gazetiers par des agents de police, des particuliers offensés ou des acteurs traités comme des ilotes. Ces jours-là, les locataires de la maison de la grille, on l'appelait ainsi dans le quartier, fermaient leurs croisées sur le devant afin de mieux entendre les abois du gazetier qui, poursuivi, se réfugiait ordinairement dans la rue des Vieux Augustins par une sortie de plein pied avec sa chambre. Une porte dérobée s'ouvrait, se refermait, le bruit cessait, l'homme menacé avait disparu. Les assaillants se trouvaient seuls en face de 4 fusiliers des gardes françaises, puis les servantes étaient allées vite requérir au poste de la halle. Il arrivait bien de ça et de là que les assaillants, ne trouvant personne sur qui décharger leur colère, s'en prenaient aux paperasses mouillées du rez-de-chaussée et lacéraient, trépignaient ou brûlaient, si par malheur il y avait du feu dans les environs, une certaine quantité des papiers coupables. Mais qu'est-ce qu'un morceau de gazette pour une vengeance qui demandait des morceaux de peau du gazetier? À ces scènes près, la tranquillité de la maison de la grille était proverbiale. M. Reto sortait le matin, faisait sa ronde sur les quais, les places et les boulevards. Il trouvait les ridicules, les vices, les annotait, les crayonnait au vif et les couchait tout portraituré dans son plus prochain numéro. Le journal était hebdomadaire. C'est-à-dire que pendant 4 jours, le sieur Reto chassait l'article, le faisait imprimer pendant les 3 autres jours, et menait du bon temps le jour de la publication du numéro. La feuille venait de paraître le jour dont nous parlons, 72 heures après le bal de l'opéra, où Mademoiselle Oliva avait pris tant de plaisir au bras du domino bleu. Monsieur Reto, en se levant à 8 heures, reçut de sa vieille servante le numéro du jour, encore humide et puant sous sa robe gris-rouge. Il s'empressa de lire ce numéro avec le soin qu'un tendre père met à passer en revue les qualités ou les défauts de son fils chéri. Puis, quand il eut fini, « Aldegonde, » dit-il à la vieille, « voilà un joli numéro, l'as-tu lu ?»« Pas encore, ma soupe n'est pas finie, » dit la vieille. « Je suis content de ce numéro, » dit le gazetier en élevant sur son maigre lit ses bras encore plus maigres. « Oui, » répliqua Aldegonde. « Mais savez-vous ce qu'on en dit à l'imprimerie? Que dit-on? On dit que certainement vous n'échapperez pas cette fois à la Bastille. » Reto se mit sur son séant et d'une voix calme. « Aldegonde. Aldegonde, fais-moi une bonne soupe et ne te mêle pas de littérature. »« Oh, toujours le même, » répliqua la vieille, téméraire comme un moineau franc. « Je t'achèterai des boucles avec le numéro d'aujourd'hui, » fit le gazetier, roulé dans son drap d'une blancheur équivoque. « Est-on venu déjà acheter beaucoup d'exemplaires ?»« Pas encore. Et mes boucles ne seront pas bien reluisantes, si cela continue. Vous rappelez-vous le bon numéro contre M. de Breuil ? Il n'était pas 10 heures qu'on avait déjà vendu 100 numéros. »« Et j'avais passé 3 fois rue des Vieux Augustins, » dit Reto. « Chaque bruit me donnait la fièvre. Ces militaires sont brutaux. » »« J'en conclus, » poursuivit Aldegonde tenace, « que ce numéro d'aujourd'hui ne vaudra pas celui de M. de Breuil. » Soit. » dit Reto. Mais je n'aurai pas tant à courir et je mangerai tranquillement ma soupe. Sais-tu pourquoi, Aldegonde ? Ma foi non, monsieur. C'est qu'au lieu d'attaquer un homme, j'attaque un corps. Au lieu d'attaquer un militaire, j'attaque une reine. La reine, Dieu soit loué, murmura la vieille. Alors ne craignez rien. Si vous attaquez la reine, vous serez porté en triomphe. Et nous allons vendre des numéros et j'aurai mes boucles. On sonne, dit Reto, rentré dans son lit. La vieille courut vite à la boutique pour recevoir la visite. Un moment après, elle remontait, enluminée, triomphante. « 1000 exemplaires, disait-elle. « Mille d'un coup, voilà une commande !»« À quel nom ?» dit vivement Reto. « Je ne sais. »« Il faut le savoir, cours vite !»« Oh, nous avons le temps !»« Ce n'est pas peu de choses que de compter, de ficeler, de charger 1000 numéros !»« Cours vite, te dis-je, et demande au valet. »« Est-ce un valet ?»« C'est un commissionnaire, un auvergnat avec ses crochets. »« Bon, questionne, demande-lui où il va porter ses numéros. » Aldegonde fit diligence. Ses grosses jambes firent gémir l'escalier de bois criard, et sa voix, qui interrogeait, ne cessa de résonner à travers les planches. Le commissionnaire répliqua qu'il portait ses numéros rue Neuf-Saint-Gilles, au Marais, chez le comte de Cagliostro. Le gazetier fit un bond de joie qui faillit défoncer sa couchette. Il se leva, vint lui-même activer la livraison confiée aux soins d'un seul commis, sorte d'ombre famélique, plus diaphane que les feuilles imprimées. Les 1000 exemplaires furent chargés sur les crochets de l'Auvergnat, lequel disparut par la grille, courbé sous le poids. Le sieur Reto se disposait à noter pour le prochain numéro le succès de celui-ci et à consacrer quelques lignes au généreux seigneur qui voulait bien prendre 1000 numéros d'un pamphlet prétendu politique. Monsieur Reto, disons-nous, se félicitait d'avoir fait une si heureuse connaissance lorsqu'un nouveau coup de sonnette retentit dans la cour. Encore 1000 exemplaires, fit Aldegonde alléché par ce premier succès. « Ah, monsieur, ce n'est pas étonnant. Dès qu'il s'agit de l'Autrichienne, tout le monde va faire chorus. »« Silence, silence, Aldegonde, ne parle pas si haut. L'Autrichienne, c'est une injure qui me vaudra la Bastille, que tu m'as prédite. »« Eh bien quoi ?» dit aigrement la vieille. « Est-elle, oui ou non, l'Autrichienne ?»« C'est un mot que nous autres, journalistes, nous mettons en circulation, mais qu'il ne faut pas prodiguer. » Nouveau coup de sonnette. « Va voir, Aldegonde. » Je ne crois pas que ce soit pour acheter des numéros. Qui vous fait croire cela ? Dit la vieille en descendant. Je ne sais pas. Il me semble que je vois un homme de figure lugubre à la grille. Aldegonde descendait toujours pour ouvrir. Monsieur Reto regardait lui avec une attention que l'on comprendra depuis que nous avons fait la description du personnage et de son officine. Aldegonde ouvrit en effet un homme vêtu simplement qui s'informa si l'on trouverait chez lui le rédacteur de la Gazette. « Qu'avez-vous à lui dire ?» demanda Aldegonde, un peu défiante. Et elle entrebâilla à peine la porte, prête à la repousser à la première apparence de danger. L'homme fit sonner des écus dans sa poche. Ce son métallique dilata le cœur de la vieille. « Je viens, dit-il, payer les 1000 exemplaires de la Gazette d'aujourd'hui, qu'on est venu prendre au nom de monsieur le comte de Cagliostro. »« Ah, si c'est ainsi, entrez !» L'homme franchit la grille. Mais il ne l'avait pas refermée, que derrière lui un autre visiteur, jeune, grand et de belle mine, retint cette grille en disant « Pardon, monsieur ». Et sans demander autrement la permission, il se glissa derrière le payeur envoyé par le comte de Cagliostro. Aldegonde, tout entière au gain, fascinée par le son des écus, arrivait au maître. « Allons, allons, » dit-elle, « tout va bien. Voici les 500 livres du monsieur aux 1000 exemplaires. » « Recevons-les noblement, » dit Reto en parodiant la rive, dans sa plus récente création. Il se drapa dans une robe de chambre assez belle qu'il tenait de la munificence, ou plutôt de la terreur de Madame Dugazon, à laquelle, depuis son aventure avec l'écuyer Elstley, le gazetier soutirait bon nombre de cadeaux en tout genre. Le payeur du comte de Cagliostro se présenta, étala un petit sac d'écus de 6 livres, en compta jusqu'à 100 qu'il empila en 12 tas. Reto comptait scrupuleusement et regardait si les pièces n'étaient pas rognées. Enfin, ayant trouvé son compte, il remercia, donna quittance et congédia, par un sourire agréable, le payeur, auquel il demanda malicieusement des nouvelles de monsieur le comte de Cagliostro. L'homme aux écus remercia, comme d'un compliment tout naturel, et se retira. « Dis à monsieur le comte que je l'attends à son premier souhait, dit-il, et ajoutez qu'il soit tranquille, je sais garder un secret. C'est inutile, répliqua le payeur. « Monsieur le comte de Cagliostro est indépendant. Il ne croit pas au magnétisme. Il veut que l'on rie de monsieur Mesmer et propage l'aventure du baquet pour ses menus plaisirs. »« Bien, » murmura une voix sur le seuil de la porte, « nous tâcherons que l'on rie aussi aux dépens de monsieur le comte de Cagliostro. » Et monsieur Reto vit apparaître dans sa chambre un personnage qui lui parut bien autrement lugubre que le premier. C'était, comme nous l'avons dit, un homme jeune et vigoureux. Mais Reto ne partagea point l'opinion que nous avons émise sur sa bonne mine. Il lui trouva l'œil menaçant et la tournure menaçante. En effet, il avait la main gauche sur le pommeau d'une épée et la main droite sur la paume d'une canne. « Qu'a-t-il pour votre service, monsieur ?» demanda Rito avec une sorte de tremblement qui lui prenait à chaque occasion un peu difficile. Il en résulte que, comme les occasions difficiles n'étaient pas rares, Rito tremblait souvent. « Monsieur Rito ?» demanda l'inconnu. « C'est moi. » « Qui se dit de Viette ?»« C'est moi, monsieur. » « Gazetier ?»« C'est bien moi toujours. » « Auteur de l'article que voici ?» dit froidement l'inconnu, en tirant de sa poche un numéro frais encore de la Gazette du jour. « J'en suis, effectivement, non pas l'auteur, dit Rito, mais le publicateur. »« Très bien. Cela revient exactement au même. Car si vous n'avez pas eu le courage d'écrire l'article, vous avez eu la lâcheté de le laisser paraître. »« Je dis lâcheté, » répéta l'inconnu froidement, « parce qu'étant gentilhomme, je tiens à mesurer mes termes, même dans ce bouge. Mais il ne faut pas prendre ce que je dis à la lettre, car ce que je dis n'exprime pas ma pensée. Si j'exprimais ma pensée, je dirais « Celui qui a écrit l'article est un infâme. Celui qui l'a publié est un misérable. »« Monsieur, » dit Rito, devenant fort pâle. « Ah, dame, voilà une mauvaise affaire, c'est vrai, » continua le jeune homme, s'animant au fur et à mesure qu'il parlait. « Mais écoutez donc, monsieur le folliculaire, chaque chose à son tour. Tout à l'heure, vous avez reçu les écus, maintenant vous allez recevoir les coups de bâton. Oh !» s'écria Rito, « nous allons voir. »« Et qu'allons-nous voir ?» fit d'un ton bref et tout militaire le jeune homme, qui en prononçant ces mots, s'avança vers son adversaire. Mais celui-ci n'en était pas à la première affaire de ce genre. Il connaissait les détours de sa propre maison. Il n'eut qu'à se retourner pour trouver une porte, la franchir, en repousser le battant, s'en servir comme d'un bouclier, et gagner de là une chambre adjacente qui aboutissait à la fameuse porte de dégagement donnant sur la rue des Vieux Augustins. Une fois là, il était en sûreté. Il y trouva une autre petite grille qu'en un tour de clé, et la clé était toujours prête, il ouvrait en se sauvant à toutes jambes. Mais ce jour-là était un jour néfaste pour ce pauvre gazetier, car au moment où il mettait la main sur cette clé, il aperçut par la claire-voie un autre homme qui, grandi sans doute par l'agitation du sang, lui parut un Hercule et qui, immobile, menaçant, semblait attendre, comme jadis le dragon d'Hespérus attendait les mangeurs de pommes d'or. Rito eut bien voulu revenir sur ses pas, mais le jeune homme à la canne, celui qui le premier s'était présenté à ses yeux, avait enfoncé la porte d'un coup de pied, l'avait suivi, et maintenant qu'il était arrêté par la vue de cette autre sentinelle, armé aussi d'une épée et d'une canne, il n'avait qu'une main à étendre pour le saisir. Rito se trouvait pris entre deux feux, ou plutôt entre deux cannes, dans une espèce de petite cour obscure, perdue, sourde, située entre les dernières chambres de l'appartement et la bienheureuse grille qui donnait sur la rue des Vieux Augustins, c'est-à-dire, si le passage eût été libre, sur le salut et la liberté. « Monsieur, laissez-moi passer, je vous prie, » dit Rito, jeune homme qui gardait la grille. « Monsieur, » s'écria le jeune homme qui poursuivait Rito, « monsieur, arrêtez ce misérable !»« Soyez tranquille, monsieur de Charny, il ne passera pas, » dit le jeune homme de la grille. « Monsieur de Tavernet, vous ?» s'écria Charny, car c'était lui, en effet, qui s'était présenté le premier chez Rito à la suite du payeur, et par la rue Montorgueil. Tous deux, en lisant la Gazette le matin, avaient eu la même idée, parce qu'ils avaient dans le cœur le même sentiment, et sans se le communiquer le moins du monde l'un à l'autre, ils avaient mis cette idée à exécution. C'était de se rendre chez le gazetier, de lui demander satisfaction, et de le bâtonner s'il ne le lardonnait pas. Seulement chacun d'eux, en apercevant l'autre, éprouva un mouvement de mauvaise humeur. Chacun devinait un rival dans l'homme qui avait éprouvé la même sensation que lui. Aussi, ce fut avec un accent assez maussade que M. de Charny prononça ces quatre mots. « Monsieur de Tavernet, vous ?»« Moi-même, » répondit Philippe, avec le même accent de la voix, en faisant de ce côté un mouvement vers le gazetier suppliant qui passait ses deux bras par la grille. « Moi-même. Mais il paraît que je suis arrivé trop tard. Eh bien, je ne ferai qu'assister à la fête, à moins que vous n'ayez la bonté de m'ouvrir la porte. « La fête ?» murmura le gazetier épouvanté. « La fête ? Que dites-vous donc là ? Allez-vous m'égorger, messieurs ?»« Oh !» dit Charny, « le mot est fort. Non, monsieur, nous ne vous égorgerons pas. Mais nous vous interrogerons d'abord, ensuite nous verrons. Vous permettez que j'en use à ma guise avec cet homme, n'est-ce pas, monsieur de Tavernet ?»« Assurément, monsieur, » répondit Philippe. « Vous avez le pas, étant arrivé le premier. »« Ça !» « Collez-vous au mur et ne bougez !» dit Charny en remerciant du geste Tavernet. Vous avouez donc, mon cher monsieur, avoir écrit et publié contre la reine le comte Badin, vous l'appelez ainsi, qui a paru ce matin dans votre gazette. Monsieur, ce n'est pas contre la reine. Ah bon, il ne manquait plus que cela. Ah, vous êtes bien patient, monsieur, dit Philippe, rageant de l'autre côté de la grille. Soyez tranquille, répondit Charny, le drôle ne perdra pas pour attendre. Oui, murmura Philippe, mais c'est que moi aussi j'attends. Charny ne répondit pas, à Tavernet du moins. Mais se retournant vers le malheureux Réto, Etienne-Niotna, c'est Antoinette retournée. Oh, ne mentez pas, monsieur. Ce sera si plat et si vil qu'au lieu de vous battre ou de vous tuer proprement, je vous écorcherai tout vif. Répondez donc et catégoriquement. Je vous demandais si vous étiez le seul auteur de ce pamphlet. Je ne suis pas un délateur, répliqua Réto en se redressant. Très bien. Cela veut dire qu'il y a un complice. D'abord, cet homme qui vous a fait acheter 1000 exemplaires de cette diatribe, le comte Cagliostro, comme vous disiez tout à l'heure, soit. Le comte payera pour lui, lorsque vous aurez payé pour vous. Monsieur, monsieur, je ne l'accuse pas, hurla le gazetier, redoutant de se trouver pris entre les deux colères de ces deux hommes, sans compter celle de Philippe, qui pâlissait de l'autre côté de la grille. Mais, continua Charny, comme je vous tiens le premier, vous payerez le premier. Et il leva sa canne. Monsieur, si j'avais une épée, hurla le gazetier. Charny baissa sa canne. Monsieur Philippe, prêtez votre épée à ce coquin, je vous prie. Oh, point de cela, je ne prête point une épée honnête à ce drôle. Voici ma canne, si vous n'avez point assez de la vôtre. Mais je ne puis consciencieusement faire autre chose pour lui et pour vous. Corbleu, une canne, dit Réto exaspéré. Savez-vous, monsieur, que je suis gentilhomme? Alors prêtez-moi votre épée à moi, dit Charny en jetant la sienne au pied du gazetier. J'en serai quitte pour ne plus toucher à celle-ci. Et il jeta la sienne au pied de Réto pâlissant. Philippe n'avait plus d'objection à faire. Il tira son épée du fourreau et la passa à travers la grille à Charny. Charny la prit en saluant. « Ah, tu es gentilhomme, » dit-il en se retournant du côté de Réto. « Tu es gentilhomme et tu écris sur la reine de France de Paris infamie. Eh bien, ramasse cette épée et prouve que tu es gentilhomme. » Mais Réto ne bougea point. On eût dit qu'il avait aussi peur de l'épée qui était à ses pieds que de la canne qui un instant avait été au-dessus de sa tête. « Mordieu !» dit Philippe, exaspéré. « Ouvrez-moi donc cette grille !»« Pardon, monsieur, » dit Charny, « mais vous en êtes convenu, cet homme est à moi d'abord. Alors hâtez-vous d'en finir, car moi j'ai hâte de commencer. » Je devais épuiser tous les moyens avant d'en arriver à ce moyen extrême, dit Charny, car je trouve que les coups de canne coûtent presque autant à donner qu'à recevoir. Mais puisque bien décidément, monsieur préfère les coups de canne aux coups d'épée, soit, il sera servi à sa guise. À peine ces mots étaient-ils achevés, qu'un cri poussé par Réto annonça que Charny venait de joindre l'effet aux paroles. 5 ou 6 coups vigoureusement appliqués, dont chacun tira un cri équivalent à la douleur qu'il produisit, suivirent le premier. Ces cris attirèrent la vieille Aldegonde, mais Charny s'inquiéta aussi peu de ces cris qu'il s'était inquiété de ceux de son maître. Pendant ce temps, Philippe, placé comme Adam de l'autre côté du paradis, se rongeait les doigts, faisant le manège de l'ours qui sent la chair fraîche en avant de ses barreaux. Enfin Charny s'arrêta, là d'avoir battu, et Réto se prosterna, là d'être rossé. « Là, dit Philippe, avez-vous fini, monsieur ?»« Oui, dit Charny. « Eh bien, maintenant, rendez-moi mon épée qui vous a été inutile et ouvrez-moi, je vous prie. »« Monsieur, monsieur !» implora Réto, qui voyait un défenseur de l'homme qui avait terminé ses comptes avec lui. « Vous comprenez que je ne puis laisser monsieur à la porte, » dit Charny. « Je vais donc lui ouvrir. »« Oh, c'est un meurtre !» cria Réto. « Voyons, tuez-moi tout de suite d'un coup d'épée et que ce soit fini. »« Oh, maintenant, » dit Charny, « rassurez-vous, je crois que monsieur ne vous touchera même pas. » « Et vous avez raison, » dit avec un souverain mépris Philippe qui venait d'entrer. « Je n'ai garde. Vous avez été roué, c'est bien. Et comme dit l'axiome légal, non bis in idem. » « Mais il reste des numéros de l'édition, et ces numéros, il est important de les détruire. »« Ah, très bien, » dit Charny. « Voyez-vous que mieux vaut être deux qu'un seul. J'eusse peut-être oublié cela. Mais par quel hasard étiez-vous donc à cette porte, monsieur de Tavernet ?»« Voici. » dit Philippe. « Je me suis fait instruire dans le quartier des mœurs de ce coquin. J'ai appris qu'il avait l'habitude de fuir quand on lui serrait le bouton. Alors je me suis enquis de ses moyens de fuite, et j'ai pensé qu'en me présentant par la porte dérobée au lieu de me présenter par la porte ordinaire, et qu'en refermant cette porte derrière moi, je prendrai mon renard dans son terrier. La même idée de vengeance vous était venue, seulement, plus pressé que moi, vous avez pris des informations moins complètes. Vous êtes entré par la porte de tout le monde, et il allait vous échapper, quand heureusement, vous m'avez trouvé là. Et je m'en réjouis. Venez, monsieur de Tavernet, ce drôle va nous conduire à sa presse. Mais ma presse n'est pas ici, dit Reto. Mensonge, s'écria Charny menaçant. Non, non, s'écria Philippe. Vous voyez bien qu'il a raison, les caractères sont déjà distribués. Il n'y a plus que l'édition. Or, l'édition doit être entière, sauf les 1000 vendus à monsieur de Cagliostro. Alors il va déchirer cette édition devant nous. Il va la brûler, c'est plus sûr. Et Philippe, approuvant ce mode de satisfaction, poussa Reto et le dirigea vers la boutique.